Alléluia, merci Jésus. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Oh, descends, descends, oh Dieu, dans ma prière. Seigneur du sein de la poussière, mon âme crie à toi. Descends, descends, oh Dieu, dans ma prière. Que je te sente en moi, que je te sente en moi. Amen, amen. Que je te sente en moi. Amen, amen, amen. Que je te sente en moi. Alléluia. Je ne veux plus d'ombre qui passe, l'image qui bouge, non, non, non, non, non, non. Mais la substance de ton être. Je dis, je veux brûler, mais de ta flamme, je veux lui. Mais de ton jour, de ton âme, anime mon âme. Toi-même ton esprit, toi-même ton esprit. Oh, toi-même ton esprit. Amen, amen. Alléluia, Jésus. Comme un junior, je veux te toucher. Je ne veux plus de la philosophie, ni de la théologie. Je ne veux pas de cours ou de séminaires. Je veux toucher, Seigneur, ton être. Je veux te toucher et te voir. Je veux brûler mes deux, ta flamme. Je veux lui, mais de ton jour, de ton âme, animer mon âme. Est trop grand pour moi. Aimer de ton amour, je veux aimer. Aimer de ton amour.